Donc j'avais préparé un PowerPoint pour vous montrer que la situation du droit à l'eau en France est très bonne et un peu triste. Et ensuite, je voudrais parler de non pas de ce qui est, mais de ce qui devrait être, c'est-à-dire d'avoir un vrai droit à l'eau en France. Le droit à l'eau en France est évidemment très bon. 99% des logements ont de l'eau et l'assainissement et les toilettes. Il y a très peu de logements sans eau, sans toilette. Mais il y en a quand même. 150 000 logements sans eau, 270 000 logements sans toilette. Donc vous voyez, ce n'est pas rien. C'est des gens qui sont derrière dans ces logements. Ils ont droit aussi à l'eau, mais ils ne l'ont pas. On a droit à de l'eau de bonne qualité. L'eau est très bonne qualité dans les grandes villes. Mais dans les villages, elle est de mauvaise qualité. Trop souvent, on a, dans les villages de 500 habitants et moins, on a un quart des prélèvements d'eau qui prouvent que l'eau n'est pas conforme aux normes. Donc, ma conclusion était très simple. Quand je vais dans les petits villages, je prends une bouteille d'eau minérale. Je ne vais pas prendre une chance sur quatre d'attraper une tourista. Donc voilà la situation où on est. Mais il n'y a pas que les gens comme moi qui vivent de façon très aisée. Il y a les gens du voyage qui ont leur propre façon de vivre. Et eux, en France, ils ont une chose extraordinaire. C'est les seuls qui ont le droit à l'eau et à l'assainissement. Par la loi. Les seuls. Pour eux, il est écrit qu'ils ont droit à des places dans des aires de voyage avec eau, assainissement et électricité, qu'ils doivent payer, mais ils y ont droit. En réalité, il n'y a que la moitié des installations qui a été faite, et donc la loi n'est mise en œuvre qu'à moitié, alors qu'elle date maintenant de 12 ans. Donc vous voyez, on a le droit à l'eau, littéralement, on l'a dans la loi, et elle n'est pas mise en œuvre. Je pourrais continuer là-dessus, et c'est tout l'objet d'un gros ouvrage, le voilà, qui est « Le droit à l'eau et à l'assainissement dans 17 pays européens ». Ce n'est pas un constat très, très favorable. Dans beaucoup de pays européens, il n'y a ni droit à l'eau, ni droit à l'assainissement en tant que droit individuel. En France, la situation est plutôt meilleure, pas encore parfaite, elle est meilleure. Mais j'arrive à la conclusion et à la seconde partie de mon exposé, il manque en France une loi sur le droit à l'eau. On a une loi sur le droit au logement, on sait ce que c'est, je ne dis pas que c'est un très grand succès, mais au moins il existe. Mais la loi sur le droit de tous à l'eau, elle manque. Il faudrait l'avoir. C'est du domaine du faisable. Peut-être faut-il attendre le mois de juin pour commencer à agir. Mais ça sera le moment. Nous voulons tous avoir la loi sur le droit à l'eau opposable. Qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Il y aurait d'abord la reconnaissance explicite que le droit à l'eau est un droit de l'homme. Il ne faut pas se limiter à des forums de Marseille, si intéressant soit-il, pour qu'un droit soit un droit de l'homme, il faut l'inscrire dans la loi. Or, il n'y a aucun traité applicable en France qui explicitement met le droit de l'homme à l'eau en évidence. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il faut mettre, c'est qu'il faut dire que ce droit, ce n'est pas du vent, c'est de l'eau. Donc il faut garantir à toute personne en France, quel que soit son statut et ses moyens financiers, toute personne en France doit avoir droit à 40 litres d'eau. Nous différons entre Ricardo et moi-même sur le fait de savoir si c'est toute personne doit l'avoir gratuitement ou simplement que toute personne doit l'avoir et ceux qui ne peuvent pas payer l'auront gratuitement. Mais ça, c'est un détail. Ce qui manque, c'est d'écrire que chacun a droit à 40 litres. Et que le gouvernement, les autorités locales, doivent le mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre un principe très simple. C'est que toute personne a le droit de se brancher à l'eau, en payant, d'accord, mais a ce droit de se brancher. Il est scandaleux de refuser le branchement à des gens sous prétexte qu'ils ne sont pas dans une zone constructible. S'ils sont illégalement à cet endroit-là, qu'on exécute les lois d'expulsion, mais qu'on n'utilise pas l'eau comme moyen de pression parce qu'on aura honte de les expulser. Parce que si on a honte de les expulser, il faut les laisser boire. Donc il faut absolument mettre fin à l'application de cette règle injuste qui consiste à dénier de l'eau à boire sous prétexte qu'ils n'ont pas le droit à s'installer à cet endroit-là et qu'on les laisse faire. Il faut arrêter les coupures d'eau. On peut en parler d'un droit à l'eau si on coupe l'eau. Parce que c'est plus un droit alors. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'un juge peut couper l'eau des gens comme punition? Non. On peut le refuser de la prolongation de l'abonnement, mais couper l'eau, c'est les jeter dans une situation indigne. Non seulement ils devront prendre l'eau à la bande fontaine, s'il y en a une, mais en plus, ils n'auront plus de toilettes. Où iront-ils? Et ça m'amène au point suivant. Le Conseil national de l'eau, à l'unanimité, demande à ce que l'on mette dans la loi le droit à l'eau aux bandes publiques, aux bandes fontaines publiques. Gratuitement, bien entendu. Ce droit disparaît progressivement. À Paris, ça va, et dans d'autres villes, il y a des bandes fontaines. Mais dans beaucoup de régions, il n'y a pas de bandes fontaines. Et le point suivant, c'est qu'il faut des toilettes ouvertes à tous, des toilettes gratuites. C'est faisable. Mais ça, c'est le vrai droit à des toilettes. Il faut admettre que le droit à l'eau et à l'assainissement, c'est des choses concrètes. Et ce droit à la toilette est en œuvre à Paris. Oui. Il y a 400 toilettes publiques gratuites et propres. Et ça, c'est pas 400 toilettes publiques dégueulasses, ça sert à rien. C'est 400 toilettes publiques qui sont propres. Et je les ai essayées, je peux vous dire pas que 400, c'est... Non, une bon seulement. Je les ai essayées et ça marche très bien. Voilà quelques éléments d'un droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement. On ne demande pas de faire plus que ce que demande le Conseil national de l'eau, le Comité national de l'eau, plus que ce qu'il est d'accord, on demande de le mettre dans la loi. Et c'est là qu'on va avoir le fameux, ce qui s'est passé au mois de décembre dernier, la honte de la France, la honte pour ceux qui ont de l'Assemblée nationale. Le Sénat avait voté à l'unanimité un mécanisme d'aide préventive pour l'eau, après 3-4 ans de discussion. Ça avait été voté à l'unanimité. Ça passe à l'Assemblée nationale, et à ce moment-là, retoqué, arrêté, pas voté, le gouvernement s'y oppose, et la France n'a pas pu mettre en œuvre ce que Paris a mis en œuvre et que Marseille commence à mettre en œuvre, à savoir l'aide préventive pour l'eau. On n'a pas besoin d'une loi nationale, mais c'est utile pour généraliser la chose. Chaque municipalité peut, comme Paris, mettre de côté une partie de son budget aide au logement pour attribuer une aide pour l'eau à titre préventif. Pour vous montrer que c'est faisable, que ce n'est pas demander la lune, c'est que ce que Paris a fait, c'est très bien, et que les autres communes françaises n'ont pas fait, c'est très mal. Mais ce qui est beaucoup mieux, c'est de voir ce qui se passe juste au nord de Lille, à Gand, en Belgique, en Flandre. Là, c'est 200 000 ménages reçoivent gratuitement de l'eau sur 6 millions d'habitants. 200 000 sur 6 millions. Ça, ça vous donne l'ampleur de l'aide pour l'eau qui est attribuée. Et ces 200 000 ménages ont de l'eau strictement gratuite. J'insiste, c'est des cas très rares. Elles ne payent ni l'eau, ni l'assainissement, ni les taxes. C'est gratuit, gratuit, gratuit. Et ça marche. Et ça marche depuis 5 ans. Et c'est faisable. Et ce que les Flamands peuvent faire, les Français pourraient le faire. Et on pourrait commencer par voter ce que la loi du Sénat, ou une loi similaire, car ça c'est l'action qu'on attend d'un futur gouvernement. Merci. Merci Henri. Ricardo, droit à l'eau, progrès ou imposture? Oui, bonjour à vous toutes et à tous. Ce n'est pas si évident que ce que les Flamands sont capables de faire, que les Français le soient aussi. Mais ça, c'est une petite boutade, parce qu'il ne faut pas faire croire que les Français sont capables de faire tout ce que les autres sont capables de faire. À part ça, il y a une spécificité flamande qui est tout à fait différente de la unicité et singularité française. À part ça, maintenant, je reviens à ta question. La première remarque, c'est qu'il est évident qu'il faut répondre que l'accès effectif à l'eau et à l'assainissement est un progrès considérable. D'ailleurs, plutôt qu'un progrès, a été une grande conquête sociale. Il a fallu arracher aux dominants de toutes les époques des siècles précédents l'accès à l'eau pour tous. Les dominants n'en ont pas donné volontairement. Il y a eu des guerres de l'eau dans nos pays pour obtenir l'accès à l'eau, pour obtenir l'accès à l'assainissement. Si aujourd'hui les Français, les Italiens, les Suédois, les Danois, les Allemands, pour ne parler que de l'Europe, ont accès à l'eau et à l'assainissement, ce fut à la suite de batailles dures à Bruxelles. Donc on a fait des choses à Bruxelles, entre 1859 et 1868, il y a eu la guerre de l'eau. Parce que lorsqu'on a commencé à créer un réseau urbain de distribution de l'eau, qui avait été confié à une société privée, la société privée a obtenu par le gouvernement de Bruxelles de l'époque de fermer toutes les fontaines publiques pour obliger les Bruxellois de s'accorder et d'aller acheter l'eau de la première compagnie communale bruxelloise de l'eau. Il a fallu 9 ans de lutte pour que finalement le gouvernement de Bruxelles arrête la fermeture des fontaines publiques, parce que l'accès à l'eau alors était gratuit, et restaurer l'accessibilité des fontaines publiques. Alors que le monde des dominants, à travers le robinet à la maison, a surtout affirmé encore aujourd'hui une forte mystification de dire qu'au fond, l'accès à l'eau est un droit individuel. Alors que les fontaines publiques affirment que l'accès à l'eau est un droit collectif. Et c'est ça qui était important. Alors c'est un progrès à cause des batailles. Et aujourd'hui, la plus grande lutte humaine et sociale au niveau mondial, c'est quoi? C'est justement l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous les milliards de gens. Et on ne peut pas dire qu'on est en train de faire des progrès, parce qu'il faut toujours lutter. Jamais les États, jamais les entreprises qui contrôlent les mécanismes de production de richesses et de redistribution donne la priorité à l'allocation des ressources disponibles, à la richesse produite, pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau et à l'assainissement. Et c'est finalement, il a eu une déclaration des Nations Unies le 28 juillet 2010 qui a reconnu l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit humain universel. Mais il a fallu se battre pendant 62 ans pour obtenir ça. Pendant 62 ans, les dominants ont toujours refusé. Et encore une fois, au dernier forum mondial de l'eau, la déclaration finale a refusé de reconnaître le droit humain à l'eau. Et Le progrès sera toujours le résultat de batailles sociales, de batailles humaines, pour que maintenant que l'ONU a reconnu, maintenant il faut passer à la concrétisation du droit. Et il y a trois grands domaines de bataille sociale, civique, citoyenne qui nous attendent. La première, c'est la bataille de la législation, c'est-à-dire d'introduire dans toutes les législations nationales, régionales, locales, voire dans les constitutions des pays, là où il y a le régime juridique du droit écrit, le principe du droit humain justiciable à l'eau et à l'assainissement. La deuxième grande bataille sera les batailles de mesures concrètes pour concrétiser effectivement les droits à l'eau et à l'assainissement. Encore aujourd'hui, il y a presque 3 milliards de gens qui ne savent pas ce qu'est une toilette. Et Harry a bien fait de le rappeler. Et contrairement aux statistiques de l'ONU qui veulent nous faire croire maintenant que l'accès à l'eau est devenu de plus en plus, même en dehors et avant la réalisation des objectifs du millénaire, du développement du millénaire, eh bien il y a encore plus de 2 milliards de gens qui n'ont pas accès véritablement à l'eau potable. Parce que la plupart des gens qui aujourd'hui sont considérés avoir accès à l'eau, et ils sont considérés accessibles à l'eau lorsque même ils habitent à 800 mètres. S'ils sont en kilomètre de distance, statistiquement, d'un point d'eau, statistiquement, figurent parmi les gens qui ont désormais accès à l'eau potable. Ce qui est absolument scandaleux d'affirmer des choses pareilles. Et alors la bataille sur le plan des mesures concrètes et finalement sur la justiciabilité. Il faut rendre le droit à l'eau et à l'assainissement justiciable. On est presque arrivé. Et la justiciabilité est la prochaine grande bataille collective humaine pour rendre le droit à l'eau non un vrai progrès. Et alors qu'à l'heure actuelle, c'est une imposture. Et l'imposture la plus grande, et je termine, c'est qu'aujourd'hui on nous dit, et depuis belle lurette, on nous dit, que les droits, oui, mais il est coûteux, et que donc tu dois le payer. Les droits sont payants maintenant. Et le fait qu'il est payant et accessible, le droit à un prix abordable, c'est la terminologie dominante, signifie qu'on nullifie la nature même du droit. On ne peut pas avoir un droit payant. Parce que cela signifie avoir simplement l'accès en tant que consommateur en ayant un pouvoir d'achat. Et la tarification sociale reste en dehors du droit. La tarification sociale fait partie du domaine de la charité, de l'assistance. Un des plus grands progrès de nos sociétés au cours du 19e siècle et du 20e siècle, c'est d'être passé de la charité, de l'assistance à la sécurité sociale, à la sécurité des droits. Et aujourd'hui, il nous dit, puisque tu es pauvre, alors je te fais payer moins, mais tu dois payer. Ça, c'est une imposture. Et c'est pour cela qu'il faut aller au-delà. Et la gratuité ne signifie pas absence de coût. La gratuité signifie que les coûts qui existent et qui sont considérables sont pris en charge par la collectivité. Et c'est ça que souvent, dans les pays d'Amérique latine, on dit que le prix de la gratuité signifie la valeur de l'eau de l'amour. C'est parce qu'on s'aime qu'on assume ensemble la collectivité. C'est parce qu'on fait une communauté qu'on fait alors les droits. Si on reste dans le pouvoir d'achat ou dans le paiement d'une taxe ou d'un prix, on est en dehors du droit et on est en dehors de la communauté. Voilà, peut-être les débats continuent, mais c'est une imposture à l'heure actuelle si on reste dans la logique de la payabilité du droit.